l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Nous poursuivons notre grand thème sur la place de l'Afrique dans la Bible et dans l'accomplissement du plan de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé de l'Afrique en tant que terre de refuge pour notre Seigneur Jésus. Nous avons vu comment, au temps du roi Hérode, ce roi sanguinaire qui voulait tuer le petit enfant Jésus, Dieu recommanda à Joseph et à Marie, à travers de l'ange, de fuir en Égypte. Pendant qu'Israël rejetait le Sauveur, c'est l'Afrique qui l'a accueilli sur son territoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique comme lieu de la manifestation de la grâce et des miracles divins. La plupart des miracles qui nous sont racontés dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le Décalogue ou les cinq livres de Moïse se sont accomplis sur les territoires africains. La plupart de ces miracles ont eu lieu dans les déserts de Sinaï. Lorsqu'on parle de Sinaï, on voit une contrée africaine. Nous avons remarqué que des événements importants se passèrent en Afrique, tels que les miracles de la traversée de la mer Rouge, même si les personnages concernés n'étaient pas eux-mêmes africains. Mais Dieu ne se limita pas à un seul miracle en Afrique. Après la traversée de la mer Rouge par le peuple hébreu, celui-ci passa 40 ans dans le désert, ou plutôt dans plusieurs déserts, tels que les déserts de Chour, de Sim, de Paran. Tous ces déserts se trouvent à la péninsule du Sinaï. Et pendant ce temps, Dieu opéra de nombreux miracles en faveur de son peuple. Nous allons examiner quelques-uns de ces miracles. Le premier miracle, c'est que Dieu dirigea son peuple par une colonne de nuée et une colonne de feu. Nous pouvons le vérifier dans Exode chapitre 13, versets 20 à 22. Ce passage dit, « Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de nuée et de feu symbolisait la présence divine. Tout au long de sa marche dans le désert, Yahvé, le Dieu d'Israël, était présent au milieu de son peuple. Il l'accompagnait dans ses difficultés. Remarquez le rôle de la colonne de nuée. Cette colonne jouait un rôle important qui était celui d'éclairer les enfants d'Israël et les guider pendant leur marche dans le désert. Le texte dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Cette même colonne avait l'apparence d'une colonne de nuée la journée. Et la nuit, elle se transformait en colonne de feu. C'était une façon de produire la lumière dont ils avaient besoin pour être éclairés sur leur chemin. Yahvé, le Dieu d'Israël, a vu les besoins d'éclairer son peuple pendant la nuit. Sinon, ils allaient tâtonner. Ils n'allaient pas voir le chemin. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de centrales électriques, ni de centrales thermiques. Mais le Dieu des miracles, il a pourvu à une colonne de nuée qui servait d'éclairage. Nombre chapitre 9, versets 17 à 19 dit, « Quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. » Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur les tabernacles.

opéra encore une fois un miracle à travers Moïse qui frappa sa verge sur les rochers et l'eau sortit du rocher pour abreuver son peuple. Dans le désert où il n'y a point d'eau, dans le désert où il y a la sécheresse, le Dieu d'Israël a accompli un miracle. Il a fait sortir l'eau du rocher. Cela nous montre qu'aujourd'hui encore, dans des situations difficiles, nous pouvons nous attendre au miracle de Dieu. Ce miracle s'est déroulé en terre africaine. Et le texte dit, Moïse donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Il y a plusieurs autres miracles qui se sont déroulés dans le désert, en terre africaine. Le psaume 105 mentionne quelques-uns de ces miracles accomplis par l'Éternel en faveur de son peuple en terre africaine. Lisons le psaume 105, du verset 36 au verset 43. « Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus, au milieu des cris de joie. Comme nous l'avons dit précédemment, nous n'insistons pas ici sur les bénéficiaires des miracles, mais sur le lieu où ces miracles se sont accomplis. Ils se sont accomplis en Afrique. Nous pouvons également citer d'autres miracles, tel que l'étape de la loi que Dieu donna à Moïse lorsqu'il est monté sur le mont Horeb. Nous pouvons citer également la gloire de l'Éternel qui descendit sur les tabernacles. Nous pouvons citer l'écaille que Dieu donna à son peuple pour nourriture. Cela leur servait de viande à manger. Nous pouvons également parler du miracle accompli par Dieu lorsque Corée, Dathan et Abiram se révoltèrent contre Moïse. La Bible nous dit que Dieu ouvrit la terre et engloutit ces gens qui se sont rebellés contre l'autorité de son serviteur. Autant des miracles qui se sont accomplis en terre africaine. L'Afrique est le lieu de la manifestation de la grâce divine et des miracles. Pour résumer notre enseignement d'aujourd'hui, nous venons de voir que la terre africaine était le lieu de la manifestation de la plupart des miracles que les enfants d'Israël ont expérimentés lorsqu'ils sortirent de l'Égypte. Nous avons vu premièrement comment l'Éternel a conduit son peuple par une colonne de nuée et une colonne de feu afin de l'éclairer dans sa marche. Nous avons vu ensuite comment Dieu a fait tomber du ciel la manne pour nourrir son peuple. Nous avons vu, troisièmement, comment il a fait sortir l'eau du rocher à Rephidim, ou Massa et Meriba. Et nous avons vu plusieurs autres miracles qui se sont accomplis en terre africaine. C'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.